Rêvé 19, je roule un maxi, j'ai un cli, j'appelle le taxi. Je m'extirpe au Brexit, chez en a plus d'une que j'excite. Plus d'un vieux rappeur qui persiste. Chip, je demande si j'existe. Essaye pas de comprendre mon lexique, boy. Je dis de la pure du Mexique. Je fume de la veuve exquise. Dans ma tête, je dessine une esquisse. Dans sa tête, comme au ski. Gata le gap d'un moustique. Moi, je veux des langoustines. Tu vas voir, boy, on est hostile. Plus d'une dette sur le post-it. C'est tous des fautifs. Je vois comment ils sont, ça motive. Moi, je suis inventif. J'ai plus en plus de notifs. Plus en plus de notifs. Arrête ta bouche, âme, arrête toutes tes sottises. LZ Pop, de plus en plus de motifs. Hey, fuck, pay, bitch, bitch, pay, bitch, fuck, pay, bitch. Prendo la tua vita y no lo sabes. Fuck, pay, fuck, pay, bitch, bitch, pay, bitch. Prendo la tua vita y no lo sabes. J'fais du patin sur les ports en stress. Fourré de la chica, de la noblesse. Pourrir échelle en diamant quand mes pupilles. Si là je me repose sur ses grosses fesses. Je rafale un hop sans la foulée. 44 pour les troubler. Jamais je tape dans la grosse folle. Et jamais je tape dans la quête moss. So Enikali avec Johnny. La A plus stockée dans le colis. 3 grammes de plus dans le switcher. Et tu bosses pas tes lèvres de michto. Je me garantis par semaine. Et j'ai 4 M6 sous ma semaine. Naki en bref. Homicide volontaire garanti. Crois comme le fer en te tartine ta mère. Indépendant on le fait. Qui est le plus chaud on le sait. Qui sont les faux on les ken. Je remets le couteau dans la plaie. 8-8-4-8 c'est le game. Bitch, bouge ton couin, bouge ton bain. Bitch, fais ton move, fais le bien. Bitch, j'ai le groove, j'ai le gain. Bitch, fuck, pay, bitch, bitch, pay, bitch, fuck, pay, bitch. Prendo la tua vita y no lo sabes. Fuck, pay, fuck, pay, bitch, bitch, pay, bitch. Prendo la tua vita y no lo sabes. Et je me doré. Sur Spotify j'écoute Corée. Je suis avec Nina, je le mets dans mauvais. Là je me suis gouré. Y'a zéro là tu peux chercher. Tu vas pas trouver. Yo's en la pop en son indé. J'ai plus rien à prouver. Je suis avec Parmo, salade, dis-moi c'est quoi ton blême. Pro, j'ai plus 20, j'ai le pro. Et sur Lyon's en personne t'es écho. Arrête de l'écho. Avec ton sang je refais la déco. Je collectionne que les petites. Mon lobby finit par exécuter. Arra dans le jeu beaucoup de tasses. Après les tes états, la vie c'est pas la fin, la drogue la pire des états. Ah, avant que je m'occupe tes tasses, voilà après les tes états. La vie c'est pas la fin, la drogue la pire des états. Okay, fuck, fake, bitch, bitch, fake, bitch, fuck, fake, bitch. Prendo la tua vita y no lo sabes. Fuck, fake, fuck, fake, bitch, bitch, fake, bitch. Prendo la tua vita y no lo sabes. Fuck, fake. Fuck, fake.